pauvre fille s'est fait violer, bastonner jusqu'à recrever. C'est trop tard pour tendre la main, cette fille est morte entre tes mains. C'est trop tard pour tendre la main, c'est largement ouais trop loin. Oh, oh, oh.